La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà maintenant 11 jours que nous sommes entrés dans les années 20, les années 2020 ou 2020 comme on voudra. Et cela un siècle après que de nombreux artistes aient fait de la décennie 1920 une période d'émulation, de création et aussi de redéfinition de l'art après la barbarie de la Première Guerre mondiale. Alors pour célébrer cette entrée dans une nouvelle décennie, nous évoquons depuis lundi et jusqu'à jeudi de la semaine prochaine plusieurs créateurs des années folles dans les domaines de la littérature, des arts et de la mode. Nous avons débuté lundi avec un homme dont l'œuvre est mince, mais qui incarne à la perfection le désenchantement créateur de cette décennie 1920, à savoir l'écrivain Jacques Rigaud, le suicidé fantastique dont Jean-Luc Bitton nous a raconté la courte vie menée à 100 à l'heure. C'était donc lundi. Et puis nous sommes passés mardi à la biographie du photographe et peintre Man Ray, un de ses nombreux Américains à Paris durant l'entre-deux-guerres. Notre invité était Serge Sanchez. Enfin demain, nous parlerons de Man Ray et la mode, en marge d'une exposition qui se tient en ce moment à Marseille sur le sujet, exposition qui viendra ensuite à Paris. Son commissaire Alain Sayac sera donc dans ce studio en première partie, tandis que dans la seconde partie, nous évoquerons le film de Man Ray, L'étoile de mer. Ce sera avec Carole Hourouet. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour entrer dans l'œuvre de Man Ray, nous sommes en compagnie d'Emmanuel de Lécoté, spécialiste de l'artiste américain et chargé des collections photographiques au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Elle a coécrit le livre Man Ray avec Alain Sayag aux éditions Delpire, c'était en 2015, ainsi que le texte Man Ray, créateur de la photographie surréaliste, qui figure dans le volume consacré à l'artiste par les éditions Ta Chaîne. Bienvenue à tous, voici la compagnie des œuvres. Il continue d'être à côté des surréalistes tout le temps et entrant exactement dans les idées, dans le jeu, sauf sur le côté politique. Parce qu'il ne se mêlait pas des politiques, n'est-ce pas, ce côté-là du surréalisme qui était très important. Et Man réalisait que c'était très important, mais étant étranger, il ne voulait jamais se mêler avec ce côté-là. C'est très rare de trouver son nom parmi les signatures de ces polémiques. Mais c'est pour ça un peu qu'il n'a jamais été excommunié par Breton. Il a toujours resté grand ami de Breton et d'Éluard et de tous les côtés du surréalisme. L'artiste et écrivain surréaliste Roland Penrose dans une archive de 1977. Bonjour Emmanuel de Lécoté. Bonjour. Alors Man Ray était un surréaliste, c'est en tout cas ce que nous dit Roland Penrose, mais un surréaliste peut-être un petit peu en marge. Disons toujours indépendant, peut-être de côté américain du jouet aussi. En marge aussi probablement parce que un des premiers, moi je dirais sans doute, à l'origine du mouvement surréaliste. Mais il a l'air plus inclassable. On a quand même du mal à se dire oui, c'est vraiment un surréaliste. En même temps, il fait partie de la mouvance Dada. On ne sait pas très bien où le mettre finalement. Oui, mais parce qu'il avait cet esprit libre qui tenait à garder son indépendance, son autonomie. Donc je pense que ce qui était le plus important pour Man Ray, c'était sa liberté avant toute chose. Et au fond, le royaume de Breton lui a été évidemment très utile pour se faire connaître. Mais il a toujours effectivement, je pense, gardé ses distances malgré tout. C'est un individu avant tout, presque un individualiste. Oui, ouais, probablement, encore une fois, ce côté américain. Alors vous avez écrit un texte intitulé « Man Ray, créateur de la photographie surréaliste », où vous commencez par expliquer que finalement la période la plus intéressante de Man Ray, c'est la période qui va de 1921 à 1940. C'est donc avant la guerre que Maneret vous intéresse le plus, Emmanuel Delécoté ? Mais d'abord, c'est là qu'il a le plus créé, parce que après, ça s'est quand même beaucoup ralenti. Effectivement, ses principales créations, en tout cas les plus connues, les plus importantes, ont été faites entre 1922 et même, je dirais, avant 40, 1936, on va dire, globalement. Oui, son œuvre est marquante à cette époque-là. Quand il continue à Paris, quand il revient à Paris en 1951, finalement, il se consacre principalement à se faire connaître par des expositions et des publications. Il continue à créer un peu, mais beaucoup moins. Est-ce que la veine s'est un peu tarie pour lui ? Je pense pas, mais simplement, non, parce qu'il revient à la peinture. Je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui ont été mal interprétées, et notamment cette guerre pour faire toujours passer la photographie comme un art, cette espèce de revanche, peut-être. Il finit par lâcher à un moment donné, je pense. Il décide que... D'ailleurs, il le dit dès le départ, il dit « la photographie n'est pas l'art », c'est une manière de dire... ou de toute façon, vous n'y comprenez rien, peu importe. Donc, c'est une manière d'envoyer un peu balader tout le monde et tout ça. Mais toutes ces questions qui lui paraissent superflues, inutiles, sans intérêt, en fait. Mais qui sont les questions qui reviennent tout le temps, et particulièrement en France, quand même. Donc, on est quand même un pays où la photographie a pris son importance que très récemment. Donc, le combat pour la photographie comme un art, en fait, Maneret, il trouvait que c'était un vieux combat qui n'avait pas de sens. Est-ce que c'est pour cette raison que... il va mettre en avant, précisément dans cette deuxième partie de sa vie, après la Seconde Guerre mondiale, quelques-unes de ses photos choisies avec soin, qu'il va un petit peu rabâcher lors de toutes les expositions monographiques, parce qu'il y en aura quand même pas mal qui lui seront consacrées. C'est quand même une belle reconnaissance tout de même dans la deuxième partie de sa vie. Donc il y a un certain nombre de clichés qui vont devenir presque des clichés, justement, parce qu'il va les montrer toujours cela. Oui, bah bien sûr, le violon d'Ingres, noir et blanche, ou les larmes, font partie des images qui ont été montrées, remontrées et utilisées, réutilisées par d'autres artistes d'ailleurs, etc. Donc ça fait partie des choses, d'une stratégie qu'il a mise en place pour se faire connaître. Et ça a fonctionné, parce qu'aujourd'hui, le violon d'Ingres, tout le monde sait, tout le monde a déjà vu cette image. C'est devenu quelque chose qui est rentré dans l'image collective, dans l'imaginaire collectif. Donc il n'y a plus de... disons que ce pragmatisme a été récompensé d'une certaine façon. Et pragmatisme américain, vous êtes sur le point de le dire. Oui, je pense qu'il y a vraiment de ça. Mais donc, bien sûr, c'est cette stratégie pour se faire connaître, elle a bien fonctionné. Et puis, elle a été secondé, on va dire, par un discours aussi qui était un discours très de dilettante, c'est-à-dire qu'il voulait faire passer tout ça pour quelque chose de très simple, de très facile, de pas du tout, c'était pas du travail pour lui, c'était que du plaisir, en tout cas c'était ce qu'il aimait dire. C'était un peu différent de la réalité, non ? C'était complètement différent de la réalité, on s'en est rendu compte en observant les négatifs et les contacts, on voit bien à quel point, au contraire, tout ça a été beaucoup de travail et beaucoup de réflexion. Mais ce discours, c'était aussi cette façon de dire, c'est le hasard qui fait les choses. Voilà, ce côté un petit peu facile et léger de faire passer un travail qui, au fond, était quand même assez besogneux malgré tout. Alors pourquoi avoir choisi ces photos-là pour devenir des emblèmes de sa production, le violon d'Ingres, les larmes, par exemple? D'abord, à mon sens, ça fait quand même malgré tout partie des plus belles œuvres qu'il ait réalisées. Donc on est quand même sur une esthétique extrêmement réussie et efficace. Et puis ce sont des œuvres qui aussi ont un second niveau de lecture. Étonnamment, il a jamais essayé de développer, et je pense qu'il attendait peut-être d'une certaine façon qu'on s'attarde aussi à ça. C'était pas juste de dire ce sont des belles œuvres, ce qui était évident, et tout le monde peut s'extasier devant ces œuvres qui sont magnifiques, mais il y a toujours une signification derrière, il y a un sens, et c'est ce sens qui est intéressant, je trouve, chez Maneret. Alors, je peux dire que la photographie est venue vers moi, c'est pas moi qui est allé à la photographie. En quelle année ça se passait? Je commençais d'une façon très modeste et presque c'était par nécessité. J'étais pas contente avec les reproductions faites de mes tableaux pour des catalogues, pour de la publicité. Alors j'ai acheté un appareil et toutes les premières plaques pour la reproduction. Et après, Si moi, je suis devenu le photographe pour les reproductions des œuvres d'art le plus expert. Et quand je suis venu en France en 21, où j'étais si bien reçu par tout le monde, c'est une révélation pour moi. Tous les dadaïstes, Sarah, Breton, Soupault, Aragon, Elouard, ils ont arrangé une grande exposition pour moi. Tout le monde m'a tapé sur le dos. C'est merveilleux, vous êtes un vrai dadaïste. Mais j'ai rien vendu, n'est-ce pas? Alors, je suis venu seulement pour quelques mois pour visiter le musée, voir les tableaux dont j'ai toujours rêvé de voir comme peintre. Mais une fois là, j'ai décidé de rester à cause de l'accueil que j'ai reçu. Mais pour vivre, alors, je me suis retourné à mes connaissances comme photographe et j'ai commencé à faire des reproductions de tableaux pour Braque, pour Picasso, pour Matisse, Picabia. Tout le monde m'a demandé, j'étais débordé avec du travail et j'étais obligé de lâcher la peinture un peu. En même temps, je faisais aussi de temps en temps qu'il me restait une plaque, un portrait du peintre. Alors c'est le portrait qui avait encore plus de succès, n'est-ce pas? Manet arrive donc à Paris en 1921, et là on est plein dans, en plein dans notre sujet des années 20. Il est attiré par le Paris de cette époque-là. Ça représente quoi pour lui, la capitale de la France ? Mais ça représente d'abord et avant tout, pas uniquement la France, mais je dirais l'Europe, c'est la naissance du mouvement Dada, et auquel lui, il est attaché très tôt. Donc, il est quand même le seul représentant du mouvement Dada à New York. Il se sent trop seul, en fait, à New York. Et il n'a pas l'écoute qu'il pourrait avoir s'il était en Europe. Donc, Paris, c'est très attractif pour lui, d'autant qu'il rencontre Duchamp qui lui dit « Mais ici... ici, on peut rien faire pour Dada, il faut que tu viennes à Paris avec moi. » Bah donc, il y avait bien Duchamp, alors. Il y avait Duchamp à New York. États-Unis. C'était le seul, ouais. Parce qu'ils se rencontrent, on l'a déjà dit hier, mais on peut le redire très vite, en 1915, oui. Au moment où donc, Duchamp fuit une incorporation possible. Enfin, je crois que lui, de toute façon, n'aurait pas fait la guerre parce qu'il en était exempté. Mais C'est l'esprit de la guerre qu'il fuit, lui qui était quand même anti-militariste. Et il se rencontre aux États-Unis. Et c'est quelque chose qui vraiment est très important pour l'un comme pour l'autre. Oui. Quelles sont les répercussions de cette rencontre sur l'œuvre de Man Ray, Emmanuel Delécoté ? À mon avis, elles sont colossales, mais je pense que c'est assez réciproque malgré tout, parce qu'on oublie souvent que la rencontre entre Marcel Duchamp et Man Ray, c'est aussi pour Marcel Duchamp un certain nombre de choses qui sont découvertes, et notamment la photo. Non pas qu'il découvre la photo grâce à Man Ray, mais il y a beaucoup d'œuvres de Marcel Duchamp qui vont découler de cette collaboration qu'ils vont mettre en place tous les deux, et notamment le double que crée Marcel Duchamp, qui s'appelle Rose c'est la vie. Il n'est possible, il n'est imaginable que grâce à la photo et grâce à son travestissement devant l'objectif de Man Ray. Donc on peut redire un petit peu ce que c'est que cette photo de Rose c'est la vie. C'est Marcel Duchamp qui décide de créer un double, donc qui s'appelle Rose c'est la vie, qui s'écrit avec deux R. Qui est une femme, mais en fait qui se prononce Eros c'est la vie, hein, puisque c'est deux R pour le prénom, et qui sous ce pseudonyme va publier des articles, mais va aussi créer des œuvres. Donc il crée par exemple un flacon de parfum qui s'appelle Eau de Voilette, au lieu de Eau de Violette. Voilà, c'est toujours les fameux jeux de mots et les contrepéteries que Marcel Duchamp affectionne, qu'on retrouve dans ses œuvres. Mais vraiment, le complice dans cette affaire, c'est vraiment Man Ray. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui vont, comme ça, être révélées dans les années, au tout début, avant même son arrivée à Paris, en fait, hein, dès 1920, il y a un certain nombre d'œuvres de Man Ray qui sont très importantes, qui sont faites avec Marcel Duchamp, je vais y arriver. Notamment Élevage de poussière, par exemple. Élevage de poussière, c'est typiquement une œuvre qui est... D'abord, le titre est beaucoup plus tardif. C'est un titre que Marcel Duchamp donne plus tard, Élevage de poussière, mais au départ, ça ne s'appelle pas comme ça. Et surtout, c'est en premier lieu une reproduction d'une partie du Grand Vert, sur lequel donc Marcel Duchamp travaille depuis des années. Et donc, cette œuvre, qui au départ n'en est pas une, est censée être une simple reproduction d'œuvre, devient une œuvre à part entière, grâce à Man Ray qui arrive à se détacher de la simple réalité. Et c'est déjà fondamental, c'est-à-dire qu'au début des années 20, Man Ray a déjà conscience du fait que la photographie n'est pas une simple reproduction de la réalité et que c'est en ça qu'elle est intéressante. Donc ils sont en train d'inventer tous les deux une espèce de nouvelle manière de faire de l'art. On a l'impression que c'est Duchamp plutôt qui par exemple a ce rapport avec la technique picturale qui n'est pas importante, ce qui compte c'est l'idée qu'on veut représenter, mais peut-être que si on y regarde de plus près, il y a aussi du Man Ray là-dedans. Oui, bien sûr. Et puis Man Ray avait à l'époque la même démarche que Marcel Duchamp, c'est-à-dire qu'il avait déjà commencé à utiliser la peinture différemment. Il la vaporisait sur les toiles, il faisait ses aérographies. Et donc c'était aussi une manière pour lui de se détacher du geste pictural traditionnel. Donc ils se sont retrouvés autour de ces notions très importantes pour eux, qui étaient d'aller à l'encontre de la tradition picturale classique. Donc c'est l'entente parfaite entre les deux. Du coup, Man Ray suit son ami à Paris, qui retourne à la fin de la guerre. Il faut dire aussi, comme vous le soulignez tout à l'heure, que l'échec de leur revue New York, Dada, ne les a pas encouragés à rester aux États-Unis. Et donc voilà, Man Ray et Duchamp revenus en France. Ils rencontrent les surréalistes. Ça se passe le 22 juillet 1921. Duchamp présente tout le monde à Man Ray. Et là, je crois qu'il est surpris parce qu'il n'y a aucun peintre finalement. Il y a des poètes. Ils sont pratiquement tous que des écrivains. Et alors, bon, alors surtout, à l'époque, ils sont tous dadaïstes encore. Le surréalisme n'existe pas. Le surréalisme, il naît en 1924 officiellement. Breton le crée en 1924. Donc au fond, c'est ça qui est intéressant, c'est que Man Ray, quand il arrive en juillet 1921, avec ses œuvres qui sont déjà extrêmement étranges, et notamment Élevage de poussière ou Code Stand, où il y en a comme ça plusieurs qui sont ou Integration of Shadows, qui est cet objet qui est complètement étrange, enfin qu'on n'arrive absolument pas à reconnaître, qui est une invention pure et simple. Au fond, cette photographie qui représente autre chose que la simple réalité devient, à mon avis, en tout cas, quelque chose qui va interpeller Breton et qui va faire en sorte que finalement ce surréalisme va naître de tout ça. Et les premiers photogrammes de Man Ray, qu'il appelle des rayographies, il les crée à la fin de l'année 1921. Et ces rayographies, c'est les premiers exemples d'œuvres typiquement surréalistes d'après Breton. Quand il s'est installé dans un hôtel à Montparnasse, et un petit hôtel, et il a fait une chambre noire improvisée où il a commencé à faire encore des expériences avec la photographie. Et c'est là, tout d'un coup, par hasard encore, il a inventé les rayographes, en plaçant des choses sur une plaque sensible, n'est-ce pas, et avec la lumière. Tout d'un coup, il a dit, devant mes yeux, j'ai vu naître une image. Zara, qui était dans le même hôtel, n'est-ce pas, était fascinée de cette invention des rayographes et voulait l'aider là-dedans. Mais il a inventé énormément d'autres procédés. Et tout le temps, il faisait des expériences qui le menaient vers des choses inattendues, et de laquelle il prenait profit, n'est-ce pas? La solarisation est une chose qui est née de la même façon. C'était son assistante Lee Miller, n'est-ce pas, qui a fait une erreur en allumant la lumière dans la chambre noire quand il ne fallait pas, et on courut vite à Man Ray. Ils ont examiné cet accident, ce désastre, n'est-ce pas, qui s'était fait, et ils ont trouvé cette invention formidable de la solarisation. Après ça, n'est-ce pas, ils ont répété cette erreur et ils ont eu des résultats splendides. Il a dessiné sur le négatif, il a imprimé des négatifs avec des positifs. C'est inouï la façon, la liberté avec laquelle il traitait ce procédé de la photographie. La compagnie des œuvres sur France Culture et cette archive de nouveau de Roland Penrose qui a d'ailleurs partagé la vie de Lee Miller après que Lee Miller ait été la maîtresse, l'amante, l'amoureuse de Man Ray. Il lui a même fait un enfant. Man Ray, c'est un inventeur alors, comme le dit Penrose, c'est un expérimentateur. Oui, c'est un expérimentateur, ça c'est sûr. Ce qui est intéressant, c'est dans le discours de Penrose là, c'est qu'au fond, il est lui-même convaincu que ce que racontait Man Ray était vrai, c'est-à-dire que tout ça était le fruit du hasard et d'accident. Ce dont personnellement je doute vraiment, mais parce que si vous voulez, le photogramme était connu depuis le 19e sans problème. C'était même si c'était fait à la lumière du jour. Ouais. Dites-nous un peu ce que c'est le photogramme, parce que c'est pas tout à fait clair aussi, la rayographie, qu'est-ce que c'est ? Alors, la rayographie, c'est un photogramme, sauf que Man Ray donne son nom, il veut se faire l'inventeur, mais ça existait déjà. Donc encore une fois, c'est simplement, vous posez sur un papier sensible des objets, vous l'insolez, vous le mettez à la lumière du jour, et la lumière du soleil va frapper autour de l'objet. Donc tout ce qui est autour de l'objet va être noirci par le soleil, et l'objet va laisser son empreinte sur le papier. Et ensuite, vous fixez simplement l'image. Donc, il n'y a pas de négatif, c'est une image unique. Et c'est, à mon sens, une des choses qui a attiré Man Ray au départ. Donc, je pense qu'il a cherché à faire ses œuvres. Il n'a pas fait ça par hasard, à mon avis. Il a vraiment voulu adapter. Et lui, il améliore le système parce qu'il ne va pas faire ça à la lumière du jour. Il va faire ça dans sa chambre noire et il va développer tout un système de lumière qui est extrêmement calculé, plusieurs sources lumineuses. Il va faire ça avec des objets transparents, translucides, qui vont diffracter la lumière, etc. Donc il va énormément améliorer le procédé. Et par ailleurs, c'était déjà au 19e, mais il y a eu aussi Christian Schad, qui était un artiste dada fameux, que lui connaissait forcément, qui avait lui aussi déjà utilisé ce procédé, sauf qu'il ne l'avait pas fait dans la chambre noire, il avait utilisé le même principe que le 19e siècle. Oui, et puis ce qui était peut-être un peu différent avec Christian Schad, c'est qu'il découpait. Il faisait des découpages. Voilà, dans du papier, oui. Des formes, et qu'il posait sur le papier sensible, voilà. Alors que avec Man Ray, il y a des objets en trois dimensions. Oui, donc ça change. Ça fait des ombres aussi qui ne sont pas les mêmes. Ça fait des ombres, ça des voilà, et du coup les objets ne sont pas reconnaissables. Hein. Mais cela étant, chez Christian Schad, c'était des compositions très cubistes au fond, puisque ces papiers découpés étaient un peu du même ordre que le cubisme analytique de Picasso ou Braque. Donc il y a vraiment une interprétation d'une technique qui existe déjà. Par Man Ray. Et la solarisation, c'est la même chose. C'est une technique qui était connue depuis le 19e sous le nom d'effet Sabatier, qui est considérée effectivement comme un accident de laboratoire à l'époque et qui est donc pas du tout utilisée. Et Man Ray, lui, il arrive à gérer cet accident de laboratoire de manière si précise qu'il est capable de solariser ses négatifs. Mmh. Alors qu'en fait, la plupart du temps, normalement, on solarisait un tirage. Si on solarise le négatif, on prend le risque de le perdre définitivement. Si on gère pas bien la lumière, on brûle en fait l'image. Donc Man Ray, lui, il arrivait à maîtriser si bien cette lumière qu'il pouvait se permettre de le faire sur négatif. Oui, parce que parfois, on a même l'impression qu'il y a des parties de la photo qui sont solarisées et pas d'autres, ce qui fait que il y a des moments où, par exemple, dans un portrait, il y a juste un morceau du visage ou du corps qui semble couler comme ça, qui semble créer une espèce d'aura un petit peu autour du sujet. C'est ce qui a fait le grand succès des portraits de Man Ray à l'époque. Ouais. Et ça, c'est quand même très fort techniquement. Oui, c'est extrêmement, je pense, j'ai jamais essayé personnellement, non. Je me suis pas exercée dans un laboratoire, mais je pense que c'est très compliqué à réaliser. Alors après, cette technique a été tellement appréciée, en fait, par tous les gens qui venaient se faire portraiturer par Man Ray, qu'elle a été reprise et copiée par tout le monde. Et donc, dans les années 30, on en voit beaucoup plus. Mmh. Mais lui, il invente ça en 1929, ou il réinvente ça en 1929, et ça fait partie de ses grands succès en tant que portraitiste. Alors, quel est son but avec ses rayographies, avec toutes ces techniques ? Est-ce qu'il s'agit de donner une autre vie aux objets, de donner une autre apparence aux choses? Est-ce qu'il y a un message aussi, où on est là purement dans l'esthétique? On n'est jamais purement dans l'esthétique chez Man Ray, même si, à mon avis, ça reste une donnée fondamentale dans son œuvre. Mais je crois que réellement, il y avait une volonté de faire art, en tout cas. Mm-hmm. Ça, c'est sûr. Et le côté unique de ces objets, qui sont donc pas reproductibles a priori. Alors, bien sûr, après, il s'est organisé pour les reproduire, mais il suffisait de les refotographier. C'est d'ailleurs encore aujourd'hui extrêmement compliqué de faire la différence entre un original et la copie d'un rayographe. Mais disons que c'était pour lui très important de faire valoir que ces photographies étaient de l'art. Voilà. Et donc, il peignait avec la lumière, comme il disait, quand il faisait ça. Oui, mais ça nous dit aussi quelque chose de la manière dont on considérait la photo à ce moment-là. Ça ne suffit pas, à l'époque, de prendre une photo, de la développer, pour qu'on considère que c'est de l'art. Mais non. Bien sûr, non. Donc il y a une espèce de singerie là de la peinture quand même qui est un petit peu étrange. Oui, et en même temps une manière aussi de... Non, je pense qu'il utilise le médium photographique avec ses qualités propres. Il n'a pas fait ce qu'on fait. Il y a eu un mouvement en France à la fin des années 20, au début des années 30, qu'on appelle la nouvelle photographie en France, par laquelle les photographes tenaient à faire des points de vue en plongée, contre-plongée. Vous savez, tous ces effets qui faisaient, qui abolissaient ce point de vue de l'œil, comme disait Rodchenko notamment. Il faut arrêter le point de vue du nombril, pardon. Il parlait du point de vue du nombril parce qu'on regardait à travers, c'était pas l'objectif photo. Avant, les appareils, on les regardait par au-dessus. Ce point de vue du nombril dont parle Rodchenko, qu'il abolit en disant, grâce au Leica, on peut faire des photos en plongée, en contre-plongée. Ça, c'est de nouveaux points de vue qui font la modernité photographique, typiquement photographique, dans les années 20 et 30. En fait, Man Ray s'en est jamais mêlé, par exemple. Il n'a jamais été... Et c'est là qu'il est très étonnant, parce qu'il a été un des plus modernes de son temps, sans jamais rentrer dans ce systématisme de la nouveauté des points de vue. Et lui, c'est en ça qu'il est resté à part, au fond, je crois. Mon cher Man Ray, vous avez compris que les baisers sont pour les amants et non pour la famille. Vous avez cherché et vous avez trouvé l'exceptionnel. Je n'ai vraiment pas besoin de présenter vos œuvres. D'elles-mêmes, elles nous plaisent parce qu'elles chantent au lieu de hurler. Ceux qui les regardent deviennent leurs esclaves. Vous écoutez avec vos yeux ce que devraient faire tous les peintres. Vos peintures, vos photographies ne rient ni ne pleurent. Je les compare au regard du philosophe couché au soleil. Elles sont loin de l'anthropophagie parisienne. Man Ray, vous êtes de ceux qui poussent toujours plus avant. Vos pensées ne sont pas de parvenus, elles sont souveraines. Vous êtes l'homme de la tristesse du profond idéal. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Vos œuvres chantent au lieu de hurler, écrit Picabia dans sa préface à une exposition de Man Ray, au catalogue d'une exposition de Man Ray. C'était à Cannes en 1931. Vous trouvez que ça correspond bien à l'art de Man Ray, cette idée que les œuvres chantent au lieu de hurler, Emmanuel Delécoté? Je sais pas, j'ai du mal à faire le lien entre la musique et les œuvres de Man Ray en général. Pourtant, c'est pas ce que j'aurais retenu de ce que dit Picabia. Qu'est-ce que vous auriez retenu? Je crois qu'en tout cas, ce que eux avaient en commun, Picabia et Man Ray, c'était vraiment ce sens de la liberté. Et donc, c'est ça qui les liait profondément, et ce sens de l'humour aussi qu'ils ont en commun, qui transparaît pas forcément dans ce texte. Ouais. Ouais. Et la poésie, parce qu'on dit beaucoup, oui, que Man Ray, finalement, c'est un poète presque avant tout, un poète de l'image, mais. Oui, mais disons qu'il n'a jamais pu s'exprimer en français correctement, Man Ray. Donc ce que tous les autres faisaient, c'est-à-dire ils ont tous beaucoup écrit, lui ne le faisait pas, il n'écrivait pas. Donc sa seule manière de s'exprimer, c'est vrai, la photographie. Et toutes ces images qui ont ce côté très étrange, en fait, elles font rentrer les objets dans un monde un peu... indéfinissable, et c'est ça qui fait la poésie des œuvres de Man Ray. Vous avez parlé des objets Oui. Il faut peut-être en dire un mot parce que l'objet pour Man Ray, c'est très important. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors l'objet, il avait d'abord, il en a fait énormément et il y avait cette rapidité d'esprit, je crois, qui lui permettait de créer un objet assez rapidement. Et ça, ce côté rapide, au fond, c'est peut-être aussi ce qui lui plaisait d'une certaine manière dans la photographie. Un des premiers objets ou le premier objet qu'il a réalisé quand il est arrivé à Paris s'appelle Cadeau. C'est un fer à repasser. Il raconte dans son autoportrait, alors encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais peu importe, on peut raconter l'histoire malgré tout, que le jour de cette exposition où rien ne marchait, où il ne vendait rien, il est passé devant cette boutique où on vendait des fers à repasser, il a acheté le fer à repasser, il a acheté des clous de tapissier, il les a collés dessus, et puis il a offert le fer à repasser à Eric Satie. Évidemment, ce qui est très amusant, c'est ce côté un peu immédiat et d'œuvre qui, comme ça, réalisée à la volée, encore une fois, un sujet à caution. Mais je pense que ces objets, qui sont donc toujours des assemblages, contrairement à Duchamp, donc qui fait ses ready-made, qui les prend tel quel et qui se contente de les renverser, par exemple pour La Fontaine, le fer à repasser de Man Ray, il a ce côté absurde de fer à repasser, bien sûr qu'on peut pas utiliser sous peine de déchirer ses vêtements qu'on voudrait repasser, mais il est aussi, il a une forme d'agressivité en quelque sorte, et c'est cette agressivité, ce mélange des deux qui est intéressant. Voyez-vous, au stade où nous en sommes arrivés, ce qui frappe beaucoup quand on regarde vos photographies, votre peinture, et même surtout votre atelier, c'est l'extraordinaire importance que vous semblez accorder aux objets. Qu'en pensez-vous, Man Ray ? Oui, on m'a souvent demandé pourquoi je ne faisais pas la sculpture. Or, il y a autour de moi toujours la sculpture. La sculpture fait en marbre, en bronze ou en bois, patiné, ne m'intéresse pas, comme ça peut intéresser les autres artistes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un objet qui n'a pas l'air d'une œuvre d'art, quelque chose qui fait partie de notre vie, que nous collectionnons tous, que ce soit un objet utile ou inutile. J'ai choisi des objets, quelquefois tout faits, où je rassemble plusieurs objets que j'ai construits dans une unité, où je jette les objets. Peut-être les objets les plus intrigants pour moi étaient les objets que j'ai gardés très peu de temps et que j'ai jetés ou que j'ai détruits après. Mais je les ai toujours recordés, soit par la photographie ou soit par la peinture. Ça, pour moi, c'était la vraie sculpture. Ça entrait dans la vie. On n'est pas obligé d'aller dans une galerie ou dans un musée pour les voir. Nous les avons à la portée de la main. Un sculpteur, alors, Man Ray aussi ? Oui, il y a quelques objets qui sont... D'abord, il y a quelques sculptures, il y en a quelques-unes, même si ce sont, par exemple, Fisherman Idol, c'est une sculpture qui est faite à partir de morceaux de liège découpés soigneusement, collés entre eux, assemblés entre eux, et qui forment une sculpture à part entière. Et après, il l'a réédité. Il a beaucoup fait ça, c'est-à-dire que tous ces objets, en vérité, qu'il les ait détruits lui ou qu'ils aient disparu pendant la guerre, il les a tous réédités entre 1951 et 1976. Il a fait des éditions de tous les objets qui avaient disparu. Donc, alors, ils ont plusieurs versions différentes. Il ajoute toujours une petite variante, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui lui a tenu à cœur, visiblement. Et d'ailleurs, il appelle les objets, ces objets de son affection. Le catalogue raisonné qu'il a fait lui-même de ces objets, il l'a appelé ainsi. Donc, oui, je pense que c'est l'expression de sa liberté. Et c'était une espèce de bricoleur de génie, je pense, d'une certaine façon. Il y a aussi des boucles d'oreilles, je crois, qu'il a fabriquées. Oui, c'est... c'est une œuvre au départ qui s'appelle Lampshade, qui est donc un abat-jour qui est découpé, déroulé, donc qui est suspendu. Et cet abat-jour est transformé en boucle d'oreille. Oui. Mais elles ont été portées, commercialisées, ces boucles d'oreille? Ah bah oui, il y a une photo très fameuse de Catherine Deneuve les portant, notamment. Mmh. Alors, tout à l'heure, on expliquait avec vous le rapport finalement de Man Ray avec le surréalisme et aussi avec Dada. Je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin pour essayer de voir dans quelle mesure finalement il est le photographe surréaliste ou le photographe Dada d'ailleurs, je ne sais pas, hein, qui représente ce courant. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'articulation des deux? Alors le passage de Dada au surréalisme, il se fait par l'intermédiaire des revues en vérité, donc par le biais de Breton. Effectivement, quand il arrive à Paris, c'est Breton qui le sollicite en disant « j'ai besoin de reproduction d'œuvres. Si toi, tu as besoin de travailler, ben, tu vas chez les artistes, tu fais des repros. » Et c'est comme ça que ça commence. Et en échange, du coup, il a l'idée de prendre en photo, enfin je sais pas si c'est en échange d'ailleurs qu'il faut dire, de prendre en photo les artistes. Oui, mais c'est vrai qu'il a ce réflexe, on va dire, de terminer toutes ces séances de pose par un portrait. Et ce portrait, c'est petit à petit, c'est tous ces portraits-là qui vont être reproduits dans toutes les revues d'avant-garde. Donc, il n'y a pas un artiste qui passe pas devant l'objectif de Man Ray grâce à ça, petit à petit. Et toutes les années 20 et les années 30, c'est ce qui fait le succès de Man Ray. Au point qu'on se presse dans son atelier. Oui. Le monde entier presque vient dans son atelier. Oui, tous les étrangers de passage à Paris passent devant l'objectif de Man Ray. Mais donc... Et après, ce dont on se rend compte, c'est que très vite, y compris ses travaux de commande, par exemple, vous parlerez de la mode avec Alain demain, mais le travail qu'il réalise pour Vogue au pavillon de l'élégance en 1925, qui est un travail de commande, donc au départ, va être publié en première page de la Révolution surréaliste. Pourquoi? Parce que ces mannequins, qui sont des mannequins en cire extrêmement réels, au fond, avec des poses extrêmement réalistes, c'était les premiers mannequins en cire assez étonnants, qui avaient été conçus exprès pour cette exposition. Mais Man Ray les a photographiés de telle façon que finalement, ça intrigue. Et les images de Man Ray, même quand ce sont des images de commande au départ, donc... On pourrait imaginer qu'elles n'ont aucun sens artistique, entre guillemets. En réalité, pas du tout. Elles sont utilisées pour ça. Mmh. Alors, justement, pour aller encore un petit peu plus loin, on pourrait interroger le rapport au rêve, dont on sait que chez les surréalistes, il est très important. Est-ce que c'est la même chose avec Man Ray? Est-ce que, par exemple, ces photographies solarisées, c'est un petit peu comme on verrait, je reprends mon exemple d'un portrait, comme on verrait une femme en rêve, par exemple? Ou est-ce que c'est autre chose? Non, je pense que réellement, il a voulu donner corps à ses recherches du surréalisme autour du rêve, même si lui n'a jamais participé à ces séances de rêve. Il les a pris en photo, ses amis. Il y a quelques photos qui existent de Man Ray où on les voit tous plus ou moins endormis, enfin dans des séances de rêve éveillés. Mais... lui-même ne participait pas, en tout cas pas que je sache, à ces séances de rêve éveillé. Donc, en revanche, sa recherche sur la solarisation, il est évident qu'elle a été très utile de ce point de vue, parce que effectivement, ça donnait cette aura, que ce soit un nu solarisé ou un visage solarisé, tout de suite on entrait dans une espèce d'autre dimension en réalité. Et le rapport à l'écriture automatique, est-ce qu'on le trouve aussi dans les photos? On le trouve principalement dans ses rayographies, justement. D'ailleurs, c'est ce que dit Breton très tôt. Ces rayographies, on a l'impression qu'elles sont l'accès direct à l'inconscient. C'est la sensation que ça donne quand on regarde les objets. Donc, c'est une forme d'écriture automatique, puisqu'il n'y a pas de négatif. Cette forme d'écriture automatique que Breton va encenser ensuite. Oui. Donc lui, il n'est pas comme d'autres surréalistes, adepte du spiritisme, il n'est pas mystique, il n'y a pas du tout ça chez lui. Non, pas du tout, pas du tout. C'est en cela qu'il est plus proche de Duchamp, encore une fois. Oui, absolument. Presque toutes les photos que j'ai faites ont des histoires. Par exemple, il y avait cette dame qui est venue dans ma chambre d'hôtel avant que j'avais mon premier studio à Montparnasse. une grande dame tout en noir, avec une voile de dentelle et une coiffure très haut à l'espagnol, aussi en noir, qui s'était présentée comme la marquise Cassati. Tu as une mémoire. Non, mais tous les détails reviennent maintenant. Il m'a demandé de faire son portrait dans son hôtel, avec ses bibelots autour d'elle. Je ne me rappelle pas s'il m'avait demandé de faire ça avec son serpent aussi. Elle avait un serpent? Elle avait un boa de 5 mètres avec lequel elle voyageait partout, n'est-ce pas? Enfin, je suis arrivé à l'hôtel à la date fixée. J'ai installé mes deux lampes et mon appareil devant elle. J'éclaire mes lampes et tous les plombs sautent. Alors je lui ai dit, je vais faire les photos avec les lampes dans votre pièce, n'est-ce pas? La lumière naturelle. La lumière ordinaire. Mais la pause sera assez longue, il faut le tenir. Vous pouvez cligner les yeux un peu, et ça ne se verra pas dans la photo. Mais regardez toujours dans le même endroit, des yeux fixes, comme je vous regarde maintenant. Je fais une douzaine de plaques. Quand je suis rentré chez moi, je développe tout ça. Tout était bougé, tout était raté. Alors j'ai apporté 4 ou 5 épreuves où tout s'était bougé. Il avait une épreuve surtout où il avait 3 paires de yeux, n'est-ce pas? Ah, oh, mais c'est merveilleux ça! Vous m'avez fait pas seulement mon portrait, mais vous avez photographié mon âme. Entretien avec Jean-Marie Drault en 1961 avec... Vous l'aurez peut-être reconnu, Emmanuel Delécoté, des interventions de Tristan Tzara, qu'on entend comme ça un petit peu bavarder de temps en temps avec lui. J'imagine que vous avez bien en tête cette photo dont il était question. Oui, c'est un très, très intéressant portrait de la marquise Cassati. La marquise Cassati, elle était fameuse à l'époque parce que c'était un personnage très excentrique. Elle avait des cheveux roux flamboyants. Et elle avait des yeux extrêmement, un peu globuleux comme ça, extrêmement présents. Et son excentricité, faisait d'elle un des personnages les plus, je pense, les plus en vue de Paris à l'époque. Et donc, je crois que ce que raconte Man Ray là aussi, c'est une petite histoire arrangée. Je pense que ce qu'il ne pouvait pas faire en photo, en noir et blanc, c'était montrer ce côté flamboyant de sa chevelure. Ça, c'était pas possible. Donc, il s'est concentré sur ses yeux, qui étaient là aussi une de ses marques, parce qu'en plus, elle les maquillait énormément de noir, etc. Elle en rajoutait beaucoup dans son apparence. Il existe quelques peintures très fameuses où on voit ce même regard un peu effrayant d'une certaine façon. Et je crois que c'est pas du tout un accident, cette histoire de prise de vue. Il n'y a jamais d'accident avec Non, moi, enfin, j'y crois pas, en tout cas. Personnellement, j'y crois pas, mais je pense que réellement, là, c'est une des premières surimpressions de Man Ray. Et il a fait exprès de photographier 3 fois en bougeant un petit peu et de façon à ce que y ait cette espèce de triple regard qui a fait que c'est ça qui a plu à la marquise Cassati précisément. Donc les surimpressions, c'est mettre plusieurs négatifs les uns sur les autres. Alors c'est une des manières, mais on peut aussi impressionner la même plaque plusieurs fois. Ouais. Donc on peut bouger l'appareil, ne pas changer la plaque et la réimpressionner. Et je pense que c'est ça qu'il a fait. Enfin, on sait que c'est ça qu'il a fait puisqu'on a la plaque originale existe hein, dans les collections du Musée national d'art moderne. Et donc il a montré les 3 yeux voilà. De l'âme de la Exactement. Comtesse. On n'ose pas imaginer à quoi cette âme ressemble. C'est d'ailleurs ce fameux portrait qui a fait tout le succès de Man Ray parce que il est très tôt, il est 1922 et c'est ensuite que tout le monde est venu défiler dans son studio. Alors il y a un autre cliché, c'est peut-être le plus célèbre, je ne sais pas si les auditeurs l'auront en tête, c'est celui qui s'appelle Noir et Blanche, oui. Qui date de 1926, c'est Kiki de Montparnasse, hein, avec un masque africain, ça vous semble un cliché très important Emmanuel Delécoté? Oui, pour moi, c'est une des œuvres fondamentales de Man Ray à plusieurs titres. D'abord, bien sûr, c'est une très belle image et on peut se référer à beaucoup de choses quand on la regarde, notamment à Brancusi, par exemple. Enfin, on sent qu'il y a énormément de références derrière ce travail. C'est une œuvre qui est extrêmement travaillée. On connaît les variantes qui ont mené à cette image et où on voit que Kiki pose avec ce masque, mais dans des poses qui n'ont plus du tout la même, qui n'ont pas du tout la même force, parce qu'elle n'est pas couchée sur cette table. Là, on dirait qu'elle est endormie en fait. Oui, voilà, c'est vraiment la muse endormie. C'est pour ça que on parle volontiers de Brancusi quand on montre cette œuvre. Mais on voit bien que quand il a eu, donc c'est une commande de Vogue là aussi, a priori en tout cas, puisque c'est la première publication pour cette œuvre, c'est le journal Vogue en 1926, et ça s'appelle Visage de nacre et masque d'ébène, je crois. Le masque en lui-même appartenait à Georges Saquet, qui était, je crois, rédacteur en chef de la revue Vogue. Mmh. Donc c'est vraiment quelque chose qui lui a été, en tout cas, il a été sollicité pour faire cette photographie. On n'a malheureusement pas d'archives pour ça. C'est un peu dommage, mais on n'a pas les traces. Mais très clairement, le visage de Kiki est tellement maquillé, donc la poudre de riz au maximum pour que son visage soit le plus blanc possible, pour être en contraste avec ce masque qui est donc un masque en ébène, où le relief est très marqué, alors que le visage de Kiki n'a plus aucun relief quasiment. Et donc, il y a plusieurs niveaux de lecture dans cette photographie. Il y a bien sûr cette esthétique magnifique, mais il y a aussi la mise à niveau ou à égalité de la culture africaine et de la culture occidentale, de la photographie, parce que l'aplat du visage de Kiki, c'est vraiment le noir et blanc de la photographie, l'aplat le plus strict de la photographie face à la sculpture du masque en tant que tel. Donc il y a énormément de choses qui se passent dans cette image. Finalement, le masque est un petit peu au-dessus de la tête de Kiki, qui est une occidentale, une parisienne, mais qui pourrait presque aussi être une japonaise, tellement, en effet, elle a ce grain de peau très très clair. Vous croyez qu'il y avait du coup un rapport à l'Afrique, aux autres civilisations que voulait montrer Man Ray, ou est-ce que... Oui, je pense que oui. D'ailleurs, il existe d'autres. C'est pas la première, il existe une variante de cette, enfin pas une variante, mais disons une première image qui reprend le même thème, qui s'appelle Blanche et Noire, donc l'inverse, et qui a été publiée dans 391, qui est la revue de Picabia, en 1921, donc 3 ans plus tôt, et où il reproduit une sculpture antique et une sculpture africaine. Donc c'est une image qui est très peu connue, mais qui fait partie aujourd'hui des collections du Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Et c'est très intéressant, parce qu'au fond, c'est la première version de cette réflexion entre l'art africain et l'art occidental. Et il y a toutes ces... De toute façon, à l'époque, il y a énormément de choses qui se passent autour de ça. À commencer par Picasso, bien sûr. Quelques années avant. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors, une autre photo qui est importante, c'est son portrait de Gertrude Stein en 1922. C'est vraiment une œuvre clé qui est un petit peu une mise en abîme. Est-ce que vous pouvez nous la décrire comme ça de tête? Il y a plusieurs portraits de Gertrude Stein, alors. Alors, je pense à celle avec le tableau de Picasso. D'accord. Que Picasso a fait de Gertrude Stein, où donc on la voit elle avec son portrait à elle. Oui, c'est ça. Derrière. D'accord. Donc mais là c'est pareil. Je pense que Gertrude Stein, ça fait partie des. Je vous êtes sûr que c'est 1922. Ouais, c'est possible. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que j'ai cru. Oui, c'est possible que ça soit. Gertrude Stein, elle est très importante parce qu'elle est le pivot aussi avec les autres artistes qui sont les plus importants de son temps, qui sont Braque et Picasso. Donc pour Man Ray, c'est très important d'à la fois satisfaire Gertrude Stein, mais aussi et d'ailleurs il sera très proche de Picasso, il va rester très proche de Braque et Picasso pendant des années. Donc oui, c'est un des portraits. Là aussi, c'est très important d'avoir pour Man Ray, dans ses petits papiers, on va dire, ce genre de personnages qui sont des très grands collectionneurs. Qu'est-ce qui vous arrête dans un visage? Ça peut être la beauté qui n'a pas d'âge, ça peut être la jeunesse, ça peut être la vieillesse, ça peut être la laideur, comme ça a fait avec dans certains dessins de Leonardo. Je vais peindre les choses que je ne peux pas photographier. Un rêve, quelque chose de mon imagination, qui n'existe pas devant mes yeux. Et je vais photographier les choses que je ne veux pas peindre. Comprenez? Alors, quand je vois un visage qui m'intéresse, la première réaction, c'est de faire un portrait de ce visage. Mais avec l'appareil photographique, parce que c'est plus direct pour moi. J'ai contrôlé assez pour pouvoir obtenir exactement ce que je veux de ce visage. L'éclairage, je peux provoquer l'expression que je veux. J'aime pas le visage souriant, ça veut rien dire. Ni le visage avec des moustaches. Ça, ça cache le caractère, n'est-ce pas? Une barbe, oui, ça, ça va. Ça cache des défauts, quelquefois. Et les yeux? Les yeux sont les choses qui changent le moins dans notre vie. De notre enfance jusqu'à notre vieillesse. Les yeux, ils ne grossissent pas, ils ne grandissent pas, ils ne rapetissent pas. C'est tout ce qui est autour, quelquefois, qui rapetisse les paupières, n'est-ce pas? La pose. Mais les yeux eux-mêmes ne changent pas. Lui dira les mots bleus, mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule, je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile. Rise un instant fragile, une rencontre. Entretien avec Yvette Tuchban en 1965. Comment diriez-vous de votre côté, Emmanuel, de les côtés que Man Ray photographie les visages? Est-ce que vous avez pu repérer, à force de regarder comme ça tous ces portraits, une façon spéciale? Ah oui, il a mis en place un protocole qui est toujours le même, c'est-à-dire qu'il se place à peu près à 3 mètres de son modèle, de manière à ensuite recadrer systématiquement. C'est ça qui est très intéressant avec Man Ray, c'est qu'il n'y a pas un seul négatif qui est jamais tiré plein négatif, c'est toujours recadré. C'est une manière pour lui de prendre ses distances avec son modèle, je pense. De ne pas intimider aussi le modèle. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est rarissime de trouver des portraits où les gens sourient. Ça, c'est pas du tout, pas du tout son truc. Après, il y a des accessoires qui reviennent régulièrement, son studio qu'on reconnaît, mais dès que ça, c'est ce qu'on voit sur ses contacts, dès qu'on voit les tirages en tant que tels, ce qui est très frappant, c'est la manière avec laquelle il arrive à dégager les traits essentiels. Mais ça, c'est cette façon, je pense, de recadrer et qui joue beaucoup là-dedans. Et puis il recadre, il retouche aussi. Quand on voit les négatifs, il y a énormément de retouches sur les négatifs. Donc c'est très amusant de constater que Man Ray est un des photographes les considérés comme les plus modernes qui soient, mais en fait il travaille comme les artistes du 19e siècle d'une certaine façon. Ou comme les artistes d'aujourd'hui, hein, qui retouchent aussi. Oui, bah oui, non, mais bien sûr, personne, Photoshop n'a rien inventé, mais c'est, si vous voulez, c'est à l'époque, c'est le discours contraire qui prévaut, c'est-à-dire il faut utiliser la photographie comme elle est, ne rien retoucher, ne rien recadrer. Bon, Man Ray, il va à l'encontre de tout ça, et c'est pourtant ça qui fait son succès. Il y a des très beaux portraits de Giacometti, de Fujita, il y a aussi des portraits de Cocteau qui sont fantastiques. Est-ce que vous en avez des préférés? Alors moi, je trouve qu'il y a un portrait de Marcel Duchamp qui est exceptionnel, qui est solarisé, et qui est le profil. Très souvent, les profils sont très réussis. Donc le profil de Marcel Duchamp est très beau. Un profil de Breton aussi. Profil de Breton aussi. Absolument. Et puis il y a l'étoile dans le cou, enfin sur le crâne, à l'arrière du crâne de Marcel Duchamp. Ça, c'est Marcel Duchamp, ça c'est la tonsure. Mais ça, c'est très, très, c'est une image assez emblématique parce qu'elle est aussi le reflet de Marcel Duchamp, c'est-à-dire cette image, vous savez comment elle a été faite, et il décide, avant de rentrer à Paris, donc on est en 1921, Man Ray décide de faire cette tonsure sur son crâne et dit « j'arrive à Paris telle une comète, la queue en avant ». Alors on n'a pas du tout parlé de la peinture de Man Ray, pourtant c'est ce qui lui l'intéressait peut-être le plus, parce qu'il avait d'abord envie d'être un peintre, je me trompe, Emmanuel Delécoté? Il était, en tout cas, il a commencé par la peinture, ça c'est vrai, mais très tôt il a fait de la photo, donc j'ai du mal à dire. Je pense qu'il y a quelques œuvres fondamentales du début, qui sont des très très très belles peintures. Et puis il s'est remis à la peinture dans les années 50. Il a voulu créer des nouvelles manières de peindre, qui étaient une forme d'automatisme de la peinture là aussi. Donc en fait, il plaquait de la matière picturale entre deux planches et puis il y a toujours un côté technique, quoi. Voilà. Mais c'est-à-dire qu'il faut qu'il invente, quelque chose toujours, et qu'il faut qu'il bidouille quelque chose, et donc ça devient, voilà. Alors après, c'est, sont des œuvres qui, esthétiquement, sont pas, peuvent laisser un peu perplexe. Oui, vous, ce n'est pas tellement la partie de son œuvre que vous préférez, très clairement. Mais moi, c'est la photo qui m'intéresse avant tout. Est-ce qu'on peut dire un mot sur d'autres artistes comme Andy Warhol, qui ont influencé ou qui ont été influencés sur la fin de leur vie par Man Ray? Alors, je sais pas si, je pense qu'il n'y a pas, de grands artistes des années 60 qui s'est pas intéressé au travail de Man Ray, évidemment, mais je saurais pas dire exactement qu'est-ce qui a pu influencer Warhol dans le travail de Man Ray. En revanche, je sais ce qui a plu de Warhol chez Man Ray, puisqu'il a lui-même essayé de réinterpréter ses premières œuvres à l'aune du pop art. Et donc, certains violons d'Ingres existent en rose et en bleu. Merci beaucoup, Emmanuel de Lécoté. Pour aller plus loin, on peut par exemple se procurer le livre Man Ray aux éditions Tachène, beau livre qui permet de mieux comprendre la trajectoire de l'artiste américain. Tout de suite, la chronique, c'est en compagnie des revues. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et en compagnie aujourd'hui de la revue L'Œil, que vous dirigez, Fabien Simode. Bonjour à vous. Bonjour Mathieu. Vous nous présentez aujourd'hui un livre sur 400 artistes femmes. Et oui, vous avez consacré, Mathieu, en décembre, une série d'émissions au livre sur les femmes artistes écrivaines dans l'ombre des grands hommes. À Suzanne Duchamp, dont la mémoire a été éclipsée par son frère Marcel, et à Catherine Pozzi, dont les poèmes ont été effacés par ceux de son amant Paul Valéry. Cela m'a donné l'envie de vous parler d'un autre livre sorti récemment chez Faydon. Il s'agit d'un beau et gros livre destiné à être déposé sur une table de salon pour divertir les invités. Son titre, 400 femmes artistes. Son sujet, présenter le travail de 400 peintres et sculptrices depuis 500 ans. Depuis Propertia de Rossi, qui fut la seule femme à figurer dans les premières vies de Vasari au XVIe siècle, jusqu'à Yayoi Kusama. Ne cherchez pas dans ce livre une analyse sur la place des femmes dans l'histoire. Non, juste une collection de fiches d'artistes classées par ordre alphabétique. De Magdalena Abakanowicz, artiste polonaise née en 1930, à Andrea Zittel, plasticienne américaine née en 65, connue pour avoir créé une île artificielle de 44 tonnes de béton au large du Danemark. Et en même temps, ce livre, ça n'est pas un simple dictionnaire, Fabien, puisque sur la couverture, le mot femme a été rayé, ce qui lui confère déjà un propos plus ou moins militant. Eh oui, vous avez raison Mathieu, 400 artistes, 400 femmes artistes est un livre manifeste. Souvenez-vous de la première phrase de l'histoire de l'art de Gombrich. Je la cite, « À la vérité, l'art n'a pas d'existence propre, il n'y a que des artistes ». Il est vrai que depuis le XVIe siècle, l'histoire de l'art est construite comme une succession de grands noms. Après Vinci, Michel-Ange, viennent Caravage, Rembrandt, puis Delacroix, Matisse et Picasso. Une liste essentiellement masculine dans laquelle les femmes n'ont pas de place. Gombrich lui-même ne cite aucune femme dans la première édition de son livre. Pas d'Artemisia Gentileschi, ni de Natalia Goncharova par exemple. C'est pourquoi publier aujourd'hui un livre recensant le nom de 400 artistes femmes a en réalité valeur de manifeste. Alors s'il y a une part d'opportunisme de la part de Faydon, après l'épisode Me Too, il faut dire que cet ouvrage est quand même le fruit d'un mouvement de reconnaissance engagé depuis plusieurs années. Oui, on se souvient par exemple qu'en 2009, le Centre Pompidou avait offert une exposition d'artistes et exclusivement féminines, elle, at Centre Pompidou, un accrochage au féminin qui a divisé à l'époque mais qui a aussi fait date. Et oui, cette exposition, en effet, ouvert la voie à de nombreux livres et expositions qui mettent en lumière des femmes injustement écartées de l'histoire officielle de l'art. C'est le cas de Nadia Léger, à laquelle les éditions IMAV consacrent aujourd'hui une imposante monographie. Comme d'autres, Nadia Kodosiewicz a eu un défaut, créé dans l'ombre du colosse Fernand Léger, dont elle fut l'élève, l'épouse, puis la gardienne du temple. Du côté des musées, un coup d'œil au calendrier des expositions 2020 que nous publions dans le magazine d'Art L'Œil ce mois-ci témoigne de cette dynamique. Nadia Léger sera exposée au musée de l'Annonciade à Saint-Tropez l'été prochain. Lee Craster, qui fut la compagne de Jackson Pollock, autre colosse, aura elle le droit à une rétrospective au musée Guggenheim Bilbao en mars. En juin, c'est le musée Dieppe qui nous fera découvrir le travail d'Eva Gonzalez, brillante élève de Manet injustement oubliée. Quant au musée du Luxembourg à Paris, il programmera en septembre une exposition sur les femmes peintres entre 1730 et 1830. En 1971, l'historienne américaine Linda Nochlin posait cette question polémique. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes? On sait aujourd'hui avec ce livre qu'il y en a eu au moins 400. Il nous faut juste pour cela leur rendre leur place dans la grande histoire de l'art. Évidemment, il y en a eu bien plus que 400. Merci beaucoup Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'Œil, dont le numéro de janvier porte sur les plus belles expos à venir en 2020. C'était la compagnie des œuvres Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière, Jean Frédérics, Ludovic Auger. Demain, suite de notre cycle Année 20 avec une dernière émission sur Man Ray et la mode. Nous parlerons également de son cinéma à Man Ray avec Alain Sayac d'abord, puis avec Carole Aurouet.